Les mots s'alignent et se suivent, ils ne se tiennent que par un fil. Un seul battement de cils, de leur nectar ils se boivent. Se ressemble et s'assemble, la faute son amie vieille de son ombre, les entraînant au plus profond des décombres, de sons, de paroles, de mots qui meublent, les mots se font puissance, quand résonne l'absence. Les mots se figent d'un geste livide, désabusé, en attitude frigide. Les mots se volent au gré du vent, volant très haut, loin, loin du temps. Dans l'absence des heures et des illusions, ils se soumettent en tentation. Les mots s'alignent et se suivent, ne se tiennent que par un fil, un seul battement de cils, de leur nectar ils se boivent.